Et les choses s'y disposaient tellement par elles-mêmes que Polybe, qui a vécu dans le temps le plus florissant de la République, a prévu par la seule disposition des affaires que l'État de Rome, à la longue, reviendrait à la monarchie. La raison de ce changement est que la division entre les ordres n'a pu cesser parmi les Romains que par l'autorité d'un maître absolu, et que d'ailleurs la liberté était trop aimée pour être abandonnée volontairement. Il fallait donc peu à peu l'affaiblir par des prétextes spécieux et faire par ce moyen qu'elle pût être ruinée par la force ouverte. La tromperie, selon Aristote, devait commencer en flattant le peuple et devait naturellement être suivie de la violence. Mais de là, on devait tomber dans un autre inconvénient par la puissance des gens de guerre, mal inévitable à cet état. En effet, cette monarchie que formèrent les Césars s'étant érigée par les armes, il fallait qu'elle fût toute militaire. Et c'est pourquoi elle s'établit sous le nom d'empereur, titre propre et naturel du commandement des armées. Par là, vous avez pu voir que comme la République avait son faible inévitable, c'est-à-dire la jalousie entre le peuple et le Sénat, la monarchie des Césars avait aussi le sien, et ce faible était la licence des soldats qui les avaient faits. Car il n'était pas possible que les gens de guerre, qui avaient changé le gouvernement et établi les empereurs, fussent longtemps sans s'apercevoir que c'était eux qui disposaient de l'Empire. Vous pouvez maintenant ajouter, au temps que vous venez d'observer, ce qui vous marque l'état et le changement de la milice. Celui où elle est soumise et attachée au Sénat et au peuple romain, celui où elle s'attache à ses généraux, celui où elle les élève à la puissance absolue sous le titre militaire d'empereur, celui où, maîtresse en quelque façon de ses propres empereurs qu'elle créait, elle les fait et les défait à sa fantaisie. De là le relâchement, de là les séditions et les guerres que vous avez vues, de là enfin la ruine de la milice avec celle de l'Empire. Tels sont les temps remarquables qui nous marquent les changements de l'état de Rome considérés en elle-même. Ceux qui nous la font connaître par rapport aux autres peuples ne sont pas moins aisés à discerner.